Voici aujourd'hui quelques indications concernant la côte d'agneau dans le filet. Vous la paierez en moyenne 72 francs le kilo à Marseille et Rennes, 80 francs à Toulouse, Lyon et Metz, et même 90 francs à Paris. Un peu cher l'agneau, vous ne trouvez pas? Et il a encore augmenté le mois dernier. Mais cette hausse ne se justifie absolument pas, puisque au stade de la production, au contraire, le cours de l'agneau a baissé de 10% en un mois. Il s'agit donc de rester très vigilant. Recherchez par exemple les bouchers qui adhèrent à la campagne Le Bon Prix près de chez vous. Ceux-là s'engagent à aligner leur prix sur les cours de gros, autrement dit à répercuter les baisses éventuelles. Ils pratiquent de plus des promotions importantes de 15 à 20%. Bonne journée à tous, on se retrouve demain.